d'un pays où tu vis depuis longtemps. Sur les murs de ta vie, des photographies des enfants de ta maman. Quand tu fermes les yeux, tu revois le bleu de tes premières années. Et ce chant lancinant, bien plus beau qu'avant, qui te fait rêver. Chez ou pleurer ou que ouais, nous la poussa. Toutes ouais, ok, chanter tous les soirs, là où qu'elle là. Toutes étoiles qu'éclairer, tous les soirs, là où qu'elle là. Rivini, ouais, nous. Si tu vis à Paris, loin de ton pays, ton cœur n'a pas voyagé. Écarte tout le gris qui cerne ta vie, car Paris t'a adopté. Si tu veux être heureux, ferme alors les yeux, nous serons à tes côtés. Et reviendra ce chant lancinant qui te fait rêver. Éclairer mes manières, le ou pas là. Ça caille empêcher ou pleurer ou que ouais, nous la poussa.